Mes vieux démons reviennent, je bégaye et je me transforme en LPPPK. Un PPPPK, devinez qui revoilà. C'est moi. Je vous ai pas manqué, mais à vrai dire, je m'en bats pas les couilles. Je viens donner des cours de rap. J'en ai marre des sosies, djoul. 1-2-1-2, est-ce que le micro est branché? Carte son ok, Cubase ok. Casque ok, prêt, feu partez. Oh, j'ai le flow, j'ai la forme, mais je n'ai pas de fond. Suis-je un rappeur nouvelle génération? Non, bien sûr que non. Ok, mon terrain c'est les go trip à l'aise en milieu hostile. Tu te demandes mais c'est qui ce type? Il est fou malade, il fume quelle salade. Mais en vrai il arrache, c'est quoi son blaze? C'est quoi son blaze? LPK. Et je peux même rapper tout bas. Je suis ce petit tout bas qui rêve de paix, qui dans le plus grand des calmes peut t'insulter de FDPPP. Pétard mouillé, petite poule et moule mouillée, rouillé comme un roux sous la pluie, saoulé comme un clodo devant Aldi. Tous les jours qui se terminent en I. À réveiller l'animal qui sommeille en moi. Oui. C'est le retour de LPK. Si je veux monter le niveau, je le fais. C'est moi qui donne les règles, tu le sais. L'encre coule, mon stylo saigne dans tes oreilles. Mon style top 7. Oh. Let's go.